au pays d'exil de Chateaubriand par Anatole Le Braz, lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, Bungay. Chapitre 1, les mémoires d'outre-tombe, moins avares de détails sur Bungay que sur Beckles. Ce qu'ils nous disent des premiers rapports de Chateaubriand avec les Hives. Nous partons pour Bungay. Bungay, sœur jumelle de Beckles. L'hôtel des Trois Tonnes et l'hôtel de la Tête du Roi. Le château de Hugues Bigot. Coup d'œil sur le paysage. Les églises de Holy Trinity et de Sainte-Marie. Excursion au village de Sainte-Margaret-Ilkechol, dont le révérend Ives était vicaire. Si les mémoires d'outre-tombe sont d'une brièveté un peu sèche pour ce qui regarde la période de Beckles, en revanche, le séjour de Bungay leur a fourni quelques-unes des pages les plus prenantes et les plus poignantes, peut-être, qui soient sorties de la plume de Chateaubriand. C'est que Beckles a pu donner aux proscrits un asile, la subsistance matérielle, des protecteurs généreux et des livres, les meilleurs des amis, mais Bungay lui a fait un don unique, au prix duquel tous les autres ne sont rien. Bungay lui a donné le vrai pain de l'âme. Bungay lui a révélé l'amour. Rappelons les origines de cette chaste et pathétique idylle telle que l'auteur des mémoires nous les a racontées. À 4 lieues de Beckles, dans une petite ville appelée Bungay, demeurait un ministre anglais, le révérend M. Hives, grand helléniste et grand mathématicien. Il avait une femme, jeune encore, charmante de figure, d'esprit et de manière, et une fille unique, âgée de 15 ans. Présentée dans cette maison, j'y fus mieux reçue que partout ailleurs. On buvait à la manière des anciens anglais et on restait 2 heures à table après les femmes. M. Hives, qui avait vu l'Amérique, aimait à compter ses voyages, à entendre le récit des miens, à parler de Newton et d'Homère. Sa fille, devenue savante pour lui plaire, était excellente musicienne et chantait comme aujourd'hui Madame Pasta. Elle reparaissait au thé et charmait le sommeil communicatif du vieux ministre. Appuyé au bout du piano, j'écoutais Miss Hives en silence. Que ces lignes nous suffisent pour l'instant. Nous lirons la suite de l'histoire sur les lieux mêmes. Acheminons-nous vers Bungay. La route par laquelle Chateaubriand s'y rendait à cheval passe au sortir de Beckles entre le rectory et la Lehman School, où sont hospitalisés, en attendant la réouverture de leur institution, les élèves de la Fauconberge. Elle oblique peu après sur la droite à partir des hauteurs de Grange et longe, au flanc des collines, le bord méridional de la vallée dont elle épouse les sinuosités. Ombragée d'ormes et de chênes séculaires, elle doit être exquise à parcourir au printemps. Nous, c'est tout prosaïquement la voie ferrée que nous allons prendre sur l'autre rive de la Wavener, la rive norfolkienne, moins variée d'aspect, moins romantique, agréable tout de même, avec ses pentes longues, mollement inclinées, où parmi les pourpres automnales éclatent en tons plus vifs les cottages rouges sombres ou roses claires, disséminés au milieu des bois. Il fait un ciel doux, un peu indécis, moitié pluie et moitié soleil. Dans les prés d'un vert d'ambre, coupé de menus canaux, comme un polder, les courbes de la rivière éveillent par intervalles un frisson d'argent. Çà et là s'étendent des pâtisses communaux, des commons, hérissés de cet hulex épineux, si cher à l'émigré de Beckles parce qu'il lui rappelait les ajoncs de sa Bretagne. Près des fermes, des vaches au beau pelage ruminent, vautrées dans l'herbe, des moutons à tête noire vont broutant. Les laboureurs d'une fière prestance de gentlemen charruent en bottes, les pieds à demi plongés dans la terre grasse. Nous franchissons 2-3 petites stations, paisibles et proprettes. Une tour grise, ornée de 4 clochetons à ses 4 angles, se profile dans les vapeurs laiteuses, et c'est Bungay, vous diriez la sœur jumelle de Beckles. Comme à Beckles, la ville s'étage sur une éminence détachée en promontoire au-dessus de la vallée et que la Wavener enserre d'une de ses boucles. Mais elle est peut-être encore plus curieuse et plus charmante, située au centre d'un paysage plus intime et plus enveloppant. Dès que l'on a quitté la gare et traversé le pont qui vous remet en Suffolk, une vieille rue bordée de maisons bourgeoises vous conduit à une petite place triangulaire qui est comme le cœur de la cité. Là s'élève une sorte de temple hexagonal, de style Renaissance, dont la coupole, appuyée sur des piliers massifs, porte à son sommet une statue de femme tenant à la main une balance, symbole à la fois du commerce et de la justice. Car cet édicule, qui ne préside plus qu'aux transactions agricoles, les jours de marché, a fait longtemps l'office de pilori, comme l'atteste le double carcan de fer encore scellé dans la pierre d'une de ses colonnes. Un peu plus bas est la fontaine publique, autour de laquelle les langues vont leur train, tout comme dans nos bourgs de France, en attendant que les seaux aient fini de se remplir. À l'entrée de la place, deux hôtels se dévisagent, l'un avec sa pantagruélique enseigne, The Three Tuns, évoque l'ère des grandes beuveries où les nobles hommes de Suffolk et de Norfolk étaient, dit-on, passés maîtres. Leurs descendants, qui ont sans doute d'autres habitudes, préfèrent aujourd'hui l'hôtel d'en face, plus confortable et mieux achalandé. Celui-ci s'appelle, à l'instar de son confrère de Beckles, le King's Head. Pourquoi toujours cette tête de roi, arborée comme au bout d'une pique, à la tringle innocente de ces graves et pacifiques auberges d'Est Anglie? Je l'ai demandé sans obtenir de réponse satisfaisante. C'est en souvenir de la décollation de Charles Ier, m'ont répété les gens de Bungay après ceux de Beckles. Était-ce pour les hôteliers du temps une manière de protester de leur loyalisme envers les Stuarts, ou au contraire d'afficher leurs sentiments cromwelliens? Il ne m'a pas été possible de le savoir. Peut-être ne le savait-on déjà plus à l'époque où Chateaubriand s'établit en ces parages. Et il ne dut guère s'en étonner, lui qui, à Londres même, visitant sous les fenêtres murées de Whitehall, le lieu consacré par la mort du roi, n'y trouvait qu'une solitude où quelques manœuvres écarissaient des pierres en sifflant avec insouciance. Il rentra chez lui, dit-il, plein de philosophie et de tristesse, et plus que jamais convaincu de la vanité de la vie et du peu, du très peu d'importance de ses plus grands événements. Gagnons cependant le King's Head, dont le propriétaire est, si je ne me trompe, le richissime duc de Norfolk. C'est à lui qu'appartiennent, en tout cas, les ruines féodales qui dominent de leur masse encore imposante la cour de l'hôtel. On y accède du fond de cette cour par un étroit escalier creusé au revers d'une énorme butte artificielle. Là s'élevait autrefois le château de Bungay, à la pointe la plus extrême du promontoire qui porte la ville. Notre premier soin est naturellement d'y grimper. S'il y eut, dans ce coin du monde, un asile où la nostalgie de Chateaubriand prit plaisir à se réfugier, ce fut assurément celui-ci. C'est un combourg dévasté, croulant. Un combourg dont il ne subsiste plus que le spectre des tours et les pans déchiquetés des murailles, mais les restes en ont encore fière mine sous les opulentes nappes de lierre qui les ensevelissent à moitié. Au XIIe siècle, la forteresse passait pour inexpugnable et le Normand Hugues Bigot, qui la fit construire, pouvait, à l'abri de ses créneaux, dire en parlant de Henri II contre lequel il vécut en rébellion ouverte « When I am in my castle of Bungay, upon the river of Waveney, I would no care for the king of Cockney. Quand je suis dans mon château de Bungay, sur la rivière la Waveney, je me moque pas mal du roi de Cockney, le roi de Londres où l'on parle Cockney. » Une esplanade herbeuse, une véritable cour verte, occupe le milieu des ruines. Tout au fond, l'embrasure vide d'une fenêtre demeurait intacte dans un mur reliant deux tours. Reliant deux tours encadre une jolie vue de nature, gracieuse et fraîche comme un paysage de Kipsec, avec des toits de tuiles moussues qui dégringolent en cascade, un bout de rivière qui miroite entre les saules, des prés qui fument et des silhouettes de collines aux teintes changeantes, moirées de lumière et d'ombre qui tremblent sur l'horizon. Que si l'on gravit les marches assez scabreuses qui permettent d'atteindre au faîte du donjon, l'ampleur du spectacle a quelque chose de saisissant, de fascinating, pour me servir d'une épithète dont abusent volontiers les Anglais. L'ondulante contrée semble soulever vers vous les volutes immobiles de ces vagues, et plus encore ici qu'à Beckles, lorsque vous essayez d'en caractériser l'image, ce sont les termes mêmes de l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, décrivant sa Bretagne de Combourg, qui, par une sorte de hantise inéluctable, s'imposent à votre esprit. Pays entrecoupé de fossés boisés qui lui donnent l'air d'une forêt. Vallons étroits arrosés par de petites rivières non navigables, séparées par des landes et par des futaies. Campagne pélagienne dans les lointains de l'ouest. Au sud, au nord, terrain s'élevant par degrés, et formant des amphithéâtres d'arbres d'où pointent des campaniles de villages, avec cette différence seulement qu'au lieu de s'appeler Bécherel, Dingé, Tintignac, ces villages s'appellent Hersham, Ditchingham ou Sainte-Margaret, Ilkets Hall. Par une singulière coïncidence, comme les yeux pleins d'une vision qui, des rives de la Waveney, nous a reportés au bord du Linon, nous redescendons, le docteur Gosling et moi, de notre belvédère moyenâgeux, voici qu'un superbe chat, aussi haut sur pattes qu'un jeune tigre, s'échappe je ne sais d'où, vient mystérieusement se frôler à nos personnes, puis disparaît dans une lézarde comme le génie familier du lieu. En Bretagne, on n'eût pas manqué de le tenir pour l'âme réincarnée en bête de Hugues Bigot, premier duc de Norfolk. Et nul ne s'étonnera qu'il nous ait fait souvenir de son macabre congénère des mémoires, le familier de Couette-Couenne Jambe de Bois, qui jadis rôdait avec le fantôme de son maître par la tourelle où René, adolescent, avait sa chambre, et dont on vous exhibe aujourd'hui dans un des salons de Combourg le squelette désormais inoffensif. Après son château, ce que Bungay présente de plus intéressant, ce sont ses églises. Il y en a deux, entourées chacune de leur vieux cimetière, et qui voisinent, ménageant au centre de la ville, une oasis de verdure et de silence, coupée seulement par la chaussée solitaire et presque sans maison de Trinity Street. La plus ancienne, Holy Trinity, dont la tour ronde et crénelée remonte, dit-on, à l'époque saxonne, est un de ces sanctuaires délicieusement vétustes où flotte, sous les voûtes, dans l'air alourdi comme saturé de prières, un vague relent de choses défuntes, une indéfinissable odeur de passé. C'est là, contre la paroi du chevet, que l'on a fixé la tablette commémorative en marbre blanc d'Anne Scott, de son mari, et de leur fils unique, John Barber Scott, né le 24 février 1792, mort le 10 septembre 1862. Au bas de l'inscription, un champ de blé mûr, sculpté en relief, illustre la parole de saint Paul sur la résurrection « Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt ». L'autre église, plus vaste et de pur style gothique, est celle de Sainte-Marie. Elle dépendait primitivement d'un couvent de bénédictines dont il subsiste encore dans les pelouses du cimetière quelques débris de murailles et quelques arceaux. Soignés, nettoyés, parés, enguirlandés avec cette piété presque excessive que l'Angleterre prodigue au moindre monument de son histoire, à l'intérieur de l'édifice, qui n'a de remarquable que sa lumineuse nudité, nous avons la satisfaction d'être accueillis par le ministre de la paroisse, M. Hurst, homme d'études et homme d'action, à figure martiale d'officier d'artillerie plutôt que de clergyman. Il sait pourquoi nous venons et met sur l'heure à notre disposition son clerc et ses archives. Quant à lui, tout entier aux questions actuelles, il n'a guère le temps de se passionner pour les vieilleries encloses aux pages des registres. Le clerc, en revanche, M. Adams, qui a hérité sa charge de plusieurs générations d'ancêtres, est né fouilleur de paperasse. Il possède à fond les annales de son église et de sa ville. Non content de nous ouvrir les armoires paroissiales, il nous emmène chez lui, dans une maigre échoppe de tailleur, car il manie l'aiguille aux heures que lui laissent ses fonctions de sacriste, et sur l'humble comptoir jonché de lambeaux d'étoffe, il nous donne à compulser le livre de raison, où son grand-père consigna ses faits et gestes dans les premières années du XIXe siècle. Je dois ainsi à l'obligeance de M. Adams plusieurs renseignements d'un vif intérêt qui trouveront leur place au cours de cette étude. Il en est un que nous utiliserons dès à présent. M. Adams me confirme en effet l'exactitude d'une information sur laquelle j'étais tombé la veille dans la petite bibliothèque municipale de Beckles, en feuilletant les Antiquités du Suffolk, par Alfred Suckling. À savoir que le référent M. Hives, des mémoires, était vicaire de Sainte-Margaret Ilkets Hall et non point ministre de Bungay. C'est le moins que nous commencions par rendre visite à sa cure, ne serait-ce que pour traverser un paysage qui fut certainement associé à quelques-unes des plus troublantes émotions de Chateaubriand. Ilkets Hall est un petit village de la banlieue de Bungay, à 3 miles environ vers le sud. Nous nous y transportons dans l'antique landau du King's Head, conduit par un cocher solennel dont la souquenille vert-prune et le vaste chapeau tromblon semblent décrochés d'un musée des costumes. Le temps a décidément tourné au noir, il ne pleut pas encore, mais une pénombre endeuillée plane avec les grandes nues en marche sur la campagne montueuse, accidentée, où le chemin s'enfonce parfois comme un tunnel entre un double talus broussailleux, sous des enchevêtrements de ramures aux frondaisons à peine éclaircies par l'automne, après le deuxième mille environ, passé la borne blanche qui marque la limite du territoire de Bungay, notre véhicule roule sur un haut plateau dont les glèbes fromenteuses et les champs de betteraves se perdent aux confins embrumés du ciel. Deux rangées de chênes, 4 et 5 fois séculaires, nous accompagnent quelques minutes. Presque pas trace d'habitations humaines dans ce désert. Une seule ferme, avec sa cour boueuse et son abreuvoir d'eau croupie comme en Ille-et-Vilaine. Cependant, au bout de la perspective, dans un léger repli du sol, une tour ronde apparaît, rappelant celle de Holy Trinity. Et nous faisons notre entrée dans le village d'Ilkets Hall, si toutefois 5 ou 6 masures éparses peuvent mériter le nom de village. On pénètre dans le cimetière par une espèce de portique en bois, surmonté d'un auvent, de tuiles au-dessus duquel se déploie l'immense architecture végétale d'un frêne géant. Rien de plus sauvage que cet enclos des morts où triomphent toutes les puissances de la libre nature. Vous diriez une clairière de forêt vierge. Dans une herbe qui ne se souvient pas d'avoir été tondue, gisent ça et là des pierres rongées de mousse qui sont peut-être de simples éclats de roches et peut-être des tombes. Signalons néanmoins un bouquet de chrysanthèmes récemment déposé sur un tertre sans nom, des rideaux d'arbres, des fourrés d'aubépines, des treillis de grandes ronces suspendues comme des lianes enveloppent cette solitude. Pas d'autre bruit que des chants d'oiseaux et la mélopée de la brise d'automne dans la chevelure des pins. On imagine aisément quel éden, quel paradou, foisonnant de verdure et de fleurs, doit être un pareil lieu à la belle saison. Mais, par cette grise après-dînée de novembre, l'impression qu'il produit est plutôt mélancolique. Et ce n'est plus seulement de la mélancolie, c'est de l'angoisse, c'est un serrement de cœur que l'on éprouve dès que l'on a franchi le seuil de l'église. Combien vieille cette église et combien triste, combien pauvre, d'une pauvreté d'autant plus pénible qu'elle tâche à se montrer plus décente. Je comprends que son pasteur, M. Oliver, ne soit jamais pressé d'en ouvrir les portes ni d'en laisser voir le dénuement aux amateurs de pittoresque, trop nombreux à son gré qu'il était, choisissent Sainte Margaret comme but de promenade. Nous avons dû parlementer avec lui un bon quart d'heure sous la petite véranda venteuse de son plus que modeste presbytère avant de réussir à dissiper ses doutes sur l'honnêteté de nos intentions. Son esprit se refusait à concevoir que j'eusse passé la mer et fait le voyage d'Ilkets Hall pour le seul plaisir de jeter un coup d'œil dans la misérable église d'un misérable village. Tout cela parce qu'un de ses prédécesseurs, mort depuis 100 ans, y venait célébrer l'office le dimanche, lorsque le temps n'était pas trop mauvais, ou que des affaires plus urgentes ne l'appelaient point ailleurs.